Donc, on va commencer aujourd'hui, inshallah, le livre sur la prière, enfin, sur le livre lié à la prière. D'accord. Donc, je refais l'invocation, inshallah. Inna alhamdulillahi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'adih. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد donc أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل m'exhorte ainsi qu'à vous la crainte et la piété d'Allah عز وجل et comme convenu on va commencer inshallah pas tout de suite maintenant dans le prochain cours le sujet sur la prière. Et là, on va commencer le livre du Cheikh Wahid Abdessalam Bali sur Bidayat al-Mutafaqih. Donc, c'est un livre de fiqh qui est très accessible. Malheureusement, il n'est pas traduit. C'est un projet, on en a parlé des frères. Mais en attendant, on va baser sur ce livre-là. Et étant donné que la prière, c'est le point le plus important, enfin, après la shahada, donc, je disais... oui, par rapport au livre donc qui concerne la prière, étant donné que la condition avant la prière c'est at-tahara, la purification, on va essayer de faire évoquer un peu de sujet sur justement qui était at-tahara, le chapitre de la purification, étant donné que c'est préalable à la prière. Autre chose. Ce que j'allais vous conseiller concrètement par rapport à ce livre-là, étant donné que quand même il y aura pas mal d'éléments et de règles et de preuves et ainsi de suite, là je vais vous demander de prendre des notes parce qu'il y aura des questions derrière. Si vous voulez prendre 5 minutes pour essayer de prendre une sorte de bloc-notes ou un cahier ou quelques feuilles, et après essayer de consacrer un sorte de cahier où vous allez marquer toutes ces informations-là, on va essayer d'y aller ordre par ordre. Quotidien. Donc, il vous faut et vous êtes obligé, et ça fait partie de le sujet qu'on avait évoqué dans les trois fondements, science se divise en deux catégories. Al-ilm fardu ilm ou al-ilm fardun kifaya. La science qui est obligatoire à tout à chacun et la science qui est surérogatoire. Surérogatoire dans le sens où vu que c'est un peu plus approfondi et que le but c'est même de rentrer en fait dans la science, et forcément il y aura mémorisation et des sujets, des règles qui ne sont pas spécialement abordables et compréhensibles pour la masse, et l'acte culturel. Elle est obligatoire parce que c'est aussi à travers ça, ou à travers ces petites connaissances qu'on peut éduquer, qu'on doit transmettre à nos proches, ou si quelqu'un fait mal ses ablutions, ou a sauté des conditions, ou a une ambiguïté, bah vous saurez, avec les preuves, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Attention, pas dans tous les madhhabs. Et le madhhab qu'on est en train de voir, c'est pas le madhhab de l'imam Malik, ni l'imam de ni Abu Hanifa, c'est l'imam Ibn Hanbal. L'imam Ibn Hanbal, mais aussi, vu que j'ai étudié dans certains livres où il y a des savants qui sont à un certain niveau, donc c'est leur opinion par rapport à tout ce qui est connu dans les madhhabs, d'accord, dans les écoles de pensée ou des courants de pensée. confronte et voir qu'est-ce qui est le plus juste d'un point de vue argument, d'un point de vue sens des arguments. D'accord? Donc voilà. Alors, Inch'Allah, comme j'ai dit, voilà, essayez de prendre un cahier pour marquer ces règles-là. Et donc, on va commencer par Kitab al-Tahara, donc le chapitre des eaux, l'éducation, les différents types de eaux. Ensuite, on va rentrer dans le chapitre de la prière. Et là, on verra toutes les conditions, les bases, et on va voir les piliers dans la prière, les sunnahs dans la prière, et ainsi de suite. Voilà. On commence avec Kitab al-Afkar. Bon, alors le sujet c'est Babou, la yakoulu inda dukhul al-masajid wal khuruj minhu. Donc le chapitre 2, qu'est-ce qu'on doit dire en allant à la mosquée en allant à la mosquée et en sortant de la mosquée. Donc on avait vu normalement une dua lorsque se dirige vers la mosquée. Jusqu'à la fin. Et là, on est en train de voir lorsqu'on rentre dans la mosquée. Au moment où on rentre dans la mosquée, qu'est-ce que on doit dire? Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Parce que des fois j'ai l'impression que le compteur je ne le vois pas, donc j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc l'invocation à faire en rentrant à la mosquée, c'est parole mustahabu ayyakulu a'udhu billahi al-azim wa biwajhi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Savez ce que je vais faire? Je vais vous demander tous, là, un instant, vous allez prendre votre livre d'invocation ou à travers l'application et vous allez chercher la dua en rentrant à la mosquée parce que c'est la même. Ça, vous allez avoir l'explication. D'accord? Comme ça, vous allez avoir l'explication et ça sera plus simple au niveau traduction. Comme ça, j'évite de traduire ces parties-là. Ok, ben n'hésitez pas à me le dire quand vous entendez bien ou quand vous entendez mal, parce que moi je ne me rends pas compte. Vous m'entendez? Si tout le monde peut répondre, ça serait bien. Je vais essayer de faire comme ça, peut-être que ça va être mieux, mais bon, c'est le haut-parleur, donc si c'est le haut-parleur, je pense que ça va prendre le bruit autour. Allô, allô, vous m'entendez? Donc la prière, vous avez entendu, je vous ai demandé de prendre le livre d'invocation ou sur votre application via le téléphone, ou via la citadelle du musulman en format poche, et de prendre le chapitre où il parle de l'invocation à dire en sortant, pas plutôt en rentrant à la mosquée. Comme ça, comme j'ai dit, ça va m'éviter de traduire, et on pourra rester juste sur l'essentiel du livre. Yustahabu, il est recommandé de dire, en rentrant à la mosquée, Bismillah, et on rentre à la mosquée du pied droit, bien sûr. D'accord? Là, c'est le point de vue du savant. Il dit, yustahabbu ayyakoulu a'udhu billahi al-azim. D'accord? De dire, je demande la protection d'Allah. C'est pour ça que j'ai dit, bien d'avoir le livre. Comme ça, j'évite de traduire, surtout quand il y a les noms d'Allah et ainsi de suite. Et là, c'est le cas. Après, on dit, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad, Allahumma gfir li zunubi, waftah li abwa bi rahmatik, thumma yaqul, bismillah, wa yuqaddim rijlahi, rijluhu, al-yumna fi al-dukhul, wa yuqaddim al-yasar fi al-khuruj, wa yaqul, jami' ma dhakarnahu, illa annahu yaqul, abwa bi fadlika, bidulli, badal rahmatik. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. Non, ça c'est en sortant de la mosquée celle-là. Mais va sûrement l'avoir. Donc, Barakallahou fik, ça Dieu. Mais celle-là, c'est en sortant. C'est en rentrant, là, qu'on est en train de voir. En rentrant à la mosquée, donc, eux, ce qu'ils disent, ce qu'il a dit le cheikh, Barakallahou fik, ce qu'il a dit le cheikh, non, mais c'est pas grave, de toute façon, on va l'avoir, parce que c'est après. Donc, Barakallahou fik, c'est toujours bien. Donc, il dit, yustahab, ça vient de al-istihbab. Al-istihbab, c'est une qaïda usuliya, c'est une règle de fondement du fiqh, qui dit qu'il est recommandé. Yustahab, il est préférable. Quand tu veux rentrer à la mosquée, tu dis, a'oudu bi wajhillahi al-azim, wa bi wajhil karim, wa sultanihi al-qadim, al-qadim, min ash-shaytan ar-rajim. Après, ils ont évoqué une invocation. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Donc ça, je ne traduis pas, c'est des choses que vous connaissez. Ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ghfir li, oh Allah, pardonne-moi, dhanoubi, mes péchés, wa ftah li abwa bi rahmatik, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. A'udhu billahi al-azim wa bihi al-karim, sultan al-qadim, min ash-shaytan ar-rajim. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, vous avez une partie de la dua. Et là, c'est vrai que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, là, on a juste une base, en fait, de hadith dans la citadelle du musulman et ainsi de suite, ou du moins une partie de l'invocation à faire. Mais dans le livre là qu'on est en train de faire, Kitab al-Adhkar, en fait, l'imam al-Nawawi, il a tiré toutes les invocations et les paroles qui étaient rattachées à ce sujet-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on va peut-être avoir des versions un peu plus longues ou des termes qu'on n'a pas. Mais ça fait partie en fait de l'invocation, d'accord. Et donc le cheikh Waqf al-Qahtani, celui qui a écrit la citadelle du musulman, jazakallahu khair, en fait lui a pris, encore une fois, il a fait ce livre pour que ça soit adapté aux gens, que ça soit praticable et ça soit maniable et utilisable et transportable partout. Donc c'est pour ça qu'il a concentré, condensé, il a juste mis les références ainsi de suite. Donc si vous voulez, un jour on fera l'explication de ce livre là de la citadelle du musulman. Donc la citadelle du musulman où il y a toutes les invocations, Inch'Allah, si vous voulez, un jour, on fera l'explication de ce livre-là. Je vous transmettrai, il y a un livre qui a été traduit. D'accord ? Donc voilà. Donc voilà l'invocation. Et là maintenant, on va voir la partie... Là, c'est comme j'ai dit dans le livre, en fait, dans un premier temps, le cheikh, il va évoquer l'avis des savants d'une manière générale. Ensuite, il va donner les hadiths sur lesquels ces avis sont basés, ou sont posés, ou sont fondés. Donc, le hadith. Un hadith qui a été rapporté par Ibn Omar Ibn al-As, radallahu anhu. Non, hadith sahih, akhrajahu muslim, fi sahihihi, صلاة المسافر من حديث أبي حميد أبي أسيد أسيد ولا وليس له فيه وليس فيه قول فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو داود والنسائي. Donc en fait dans cette version il y a pas le salut فليسلم على النبي. Ah, excusez-moi, par contre, non, l'inverse. Il y a le salut sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith. An, ou, rawahu, rawaynahu, an, abi, humayd, ou, abi, usayd. Donc, il a été rapporté de abi, humayd, ou, abi, usayd, donc, de l'un des deux de ses rapporteurs. Radiallahu anhum, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للبروفيت صلى الله عليه وسلم دي اذا دخل احدكم المسجد فليسلم علي على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit lorsque quelqu'un d'entre vous rentre à la mosquée, qu'il me salue ou qu'il me passe le salut ou qu'il passe le salut au prophète. ثم يقول Et ensuite, il doit dire « Allahumma ftahli abwa bi rahmatik » ou « Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. » Wa idha kharaja, فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. Et lorsqu'il sort, il doit dire oh Allah, je te demande bienfait, فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد الصحيحة وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته وإذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. رواه هذه الرياء ابن ماجة وابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحهما. Ce hadith qu'on a cité tout au début, il est rapporté par Muslim dans son Sahih et Abu Daoud et An-Nasa'i et Ibn Majah wa ghayrihim bi asanid et d'autres avec une bonne chaîne de transmission authentique. Wa laysa fi riwayat Muslim et elle ne figure pas, ou du moins il y a une partie qui ne figure pas dans la version de Muslim, c'est falyusallim 'ala an-nabi, qu'il passe le salut ou qu'il fasse le salut sur le prophète. Elle n'est pas rapportée ou elle n'a pas été dictée dans le hadith, dans le sahih de Muslim. Wa fi riwaya al-baqin, mais elle a été rapportée sur les autres. Et sur les autres comme Zada ibn Sunni, donc Ibn Sunni, il l'a rapportée fi riwayatihi, dans sa version. Wa idha kharaja فليسلم. Donc s'il vient sortir de la mosquée, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il doit dire Allahumma a'idni min ash-shaytan ar-rajim. Ou il y a une autre version, on dit Allahumma a'simni. Si vous l'avez peut-être dans la citadelle des musulmans. Allahumma a'simni min ash-shaytan ar-rajim. Donc on commence par donc la basmala. De toute façon, la basmala, comme on l'a dit, c'est une règle de base. Et l'invocation à dire, c'est Allahumma ftahli abwab rahmatik, et de prier sur le prophète sallam. Par exemple, quand on rentre avec le pied droit, on dit bismillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma ftahli abwab rahmatik. D'accord? Donc ça, c'est l'invocation à dire en rentrant. Après, quand on sort, Allahumma inni as'aluka min fadlik. D'accord? Il y a aussi ça. Oh Allah, je te demande tes bienfaits. Ça, c'est en rentrant. Et en sortant, on dit bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah. D'accord? Comme il a dit. Wa idha kharaja, falyusallim alayhi ala nabi. Et lorsqu'il sort, qu'il fasse la prière sur moi. Enfin, qu'il fasse l'invocation sur moi. Moi. Et qu'il rajoute en sortant, اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. Allah, protège-moi. Ou immunise-moi de الشيطان الرجيم. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, روينا عن عبد الله ابن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول. Il disait que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il rentrait à la mosquée, il disait أعوذ بالله العظيم. Donc ça, apporté par Ibn al-As, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, c'était un compagnon, c'était un Quraishite, il fait partie des notables. C'est comme si, par exemple, vous pouvez dire qu'il fait partie de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie et de, on va dire, de, il avait un niveau social, quoi, il était vraiment rattaché, on va dire que plus ou moins sa famille avait un poids d'un point de vue politique et au niveau de l'État. À la Mecque. Donc c'était quelqu'un de très perspicace. C'était c'est quelqu'un qu'on envoyait souvent pour régler tout ce qui est affaires étrangères. Et d'ailleurs, il était le gouverneur de tous les califes depuis Abou Bakr radiallahu anhu jusqu'à la fin. Donc il a dit A'oudou billah. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait à la mosquée, il rentrait par le pied droit, il disait A'oudou billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim. D'accord? Donc ça, c'est une invocation à apprendre et à faire quand on rentre et avec le pied droit. Et n'oubliez pas une chose, tout ce qu'on a pu voir finalement, quand vous allez en fait finalement regrouper un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, finalement, vous allez vous rendre compte que en fait, il y a plein d'invocations, il y a plein de conditionnements à avoir. Comme par exemple, quand on rentre à la mosquée, donc avant même de rentrer à la mosquée, on fait nos ablutions. Donc en fait, ça commençait déjà à la maison. Donc on est conditionné, on vise à travers ça qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous enlève nos péchés, d'accord ? Et que c'est des ibadas. Et ensuite, après, je fais la shahada. Et quand je fais la shahada après les ablutions, je lève le doigt et je dis. Donc en fait, celui qui est dans cette démarche jusqu'à arriver à la mosquée, vous imaginez dans quel rêve et dans quel baraka il est. Et forcément, les shahadines et nos ennemis, ils vont tout faire. Pourquoi ? Pour couper cette intention. Pour couper cette motivation, pour couper cette réflexion, pour couper cet état de conscience qui fait que bah vous vous reconnectez et forcément il y a un problème, enfin du moins de leur côté de concernant, c'est qu'ils commencent à perdre le contrôle. Donc ça c'est très important et au fur et à mesure donc qu'on avance, on va voir que en fait dans chaque action, dans chaque mouvement, dans chaque état, il y a une invocation, il y a une ibada, parce qu'ils sont partout. Finalement, c'est notre protection. C'est pour ça qu'on dit la citadelle ou la forteresse. Hisnul Muslim, c'est pas un titre à la citadelle. C'est une réalité. C'est-à-dire, en faisant tout ça, et en ayant la conviction qu'Allah, il vous exauce, en ayant la conviction qu'en faisant ça, vous vous rapprochez d'Allah, en ayant la conviction que c'est par la science qu'Allah aime, qu'on l'adore, et ainsi de suite. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment d'être tout le temps dans un état conscient par rapport à ibadat, et ce qu'on fait. Je fais attention que si je m'habille ou je me déshabille du côté droit ou de la main gauche ou ainsi de suite. Je fais attention quand je mange, est-ce que j'ai dit bismillah ou quand j'ai fini, est-ce que j'ai fait la dua. Donc en fait, on est toujours dans un état de conscience. Et eux, ce qu'ils font, ils nous mettent en fait dans un état d'inconscience. C'est pour ça qu'Allah nous dit, wala takuna min al-ghafilin. Et ne faites pas partie des insouciants. Ok? Donc je reviens sur le hadith. Qala wa idha قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque la personne elle fait tout ça et elle rentre à la mosquée, elle fait cette invocation ash-shaytan ar-rajim, donc tous ceux qui sont rattachés à ce shaytan, à cette voix satanique, parce que finalement c'est ça, hein, shaytani, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire il est protégé de moi toute la journée. C'est-à-dire, je ne peux pas l'atteindre toute la journée. Attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là, ils seront protégés. Non, c'est tous ceux qu'Allah a voulu l'éloigner, ne le toucheront pas. Mais les autres, ils vont me toucher. Mais encore une fois, c'est très complexe parce qu'on est dans une configuration au jour d'aujourd'hui. C'était pas pareil qu'avant. Il n'y avait pas autant de portes, il n'y avait pas autant d'outils qui leur permettaient de nous atteindre très facilement. C'est pour ça qu'on est dans la plus grande fitna, la plus grande tentation, la plus grande épreuve de tous les temps et qu'aucune communauté n'a jamais vécu. C'est pour ça qu'on ne pourra pas trouver de réponse chez d'autres personnes ou dans d'autres civilisations ou dans d'autres cultures. Parce que c'est un laps de temps qui n'a jamais été vu. Ni les prophètes, ni les anges, ni qui que ce soit ne savait ce qui allait se passer. Et dans quelle configuration on allait être au jour d'aujourd'hui. Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé avec livre, il explique tout, qui te suffit de tout ce qui peut t'entourer si tu le suis, à condition que tu le suives à la lettre. On va s'arrêter là, inshallah. On va commencer sur l'autre livre, Inch'Allah, de Fiqh. Ça, c'est pour ceux qui ont le livre, et celui qui veut l'acheter, le livre, bah, Je pourrais vous le mettre en photo, ou sinon la sœur Elham, elle l'avait déjà mis, il me semble, elle pourra le remettre, Inch'Allah. C'est bien quelqu'un. Par contre, t'arrêtais tout en haut. Bon, on reprend, Inch'Allah. Maintenant, je vais vous demander de reprendre votre... de prendre votre cahier sur lequel on va faire le cours. Là, on va commencer le faire, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikoum, essayez d'être faire vite, hein. Prenez votre cahier, prenez un cahier ou un morceau de feuille ou une feuille, et Inch'Allah, il y aura des questions, parce que ça fait partie des fondements et des bases. Comme ça, au moins, je sais qu'Inch'Allah, j'ai laissé quelque chose. Non, ah oui, les trois fondements. Vous voulez qu'on finisse d'abord par les trois fondements? On finit par les trois fondements et après on fait le firq, ou on fait le firq et après les trois fondements? Que vous choisissez. Ouais, il manque même pas une page, en fait, pour les trois fondements, effectivement. Bon, on va faire la shura. On va voter. Et le but, c'est de mettre de la vie, hein. Encore une fois, moi, comme j'essaie de le faire avec vous tous, c'est que faut le faire aussi entre vous. Il faut créer, en fait, une certaine ambiance entre nous, entre vous, et de créer un groupe quelque part avec lesquels on va essayer de créer des choses. Créer des choses, ça veut pas forcément dire des choses qui auront un impact dans le monde ou ainsi de suite, mais au moins entre nous. Des idées, de livres, d'études, de participer. C'est ça le but. Non, mais je sais, mais t'étais occupé et tout ça, y a pas de souci. Je sais que tu suis malgré tout et en fonction de tes occupations. De toute façon, nous aussi, tout le monde essaie de faire ce qu'on peut, hein. Il n'y a pas de perfection. Quand on s'accroche, tout, on s'accroche. C'est une époque où on s'accroche. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Sheikh a dit, iftarad Allah ala jami' al-ibad al-kufru bit-ta'ut wal-iman billah. Allah, ah mais on avait fait ça. Oh, subhanallah, j'ai pas marqué. Bon, par contre, vous reprenez, vous suivez, et par contre, on était par contre juste en bas aussi de la page, il me semble. On est dans cette page-là, mais juste en bas. Alors, et ça, je pense qu'on le verra sûrement, Al-Kufru bit-Tarut. Voilà, c'est ça, juste en bas. Wa kadhalika min man la sultan ala nas. إذا غلا فيه الناس حتى جعلوا طاعته لازمة كطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تجاوز الإنسان بهذا المطاع حده. Donc, et il est ainsi aussi, on avait vu qu'est-ce que الطاغوت. Le طاغوت, on avait vu que c'était une chose qu'Allah nous a demandé de nous égarer, et que, en gros, c'est comme si vous faisiez un cercle, d'accord? Et dans ce cercle-là, vous allez mettre plein de petits points. Et tous ces petits points, en fait, un point, ça va être le soleil, l'autre, ça va être la lune, l'autre, ça va être les idoles, l'autre, ça va être les tombes, les morts, l'autre, ça va être les arbres, les animaux, et ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est des taroutes, d'accord? Tout ça, c'est des tawarites. On appelle ça, taroutes, c'est au singulier, tawarites, c'est au pluriel. Donc, c'est comme si, en gros, un taroute, c'est le cercle. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est tous les tawarites qu'Allah nous a demandé de nous écarter. Donc, at-tarout, c'est un mot général. Je ne vous précipite pas et ne vous précipitez pas sur cette définition, mais on verra les définitions des éminents savants concernant ce sujet-là, histoire d'avoir les mêmes fondements sur lesquels c'est je vais même pas dire prédicateur, parce que je sais même pas s'ils ont eu, l'occasion de lire ces sujets ou ces livres-là, et ainsi de suite. Eux, c'est plus, encore une fois, ils sont dans un islam, kafabihim, il me fatigue. En gros, on va voir vraiment les fondements des gens de science. Donc, on puise de la même source que les gens de science, les étudiants et les savants puisent. D'accord? Qu'en fait, on n'a plus besoin, quelque part, de ces prédicateurs. Et de certains prêcheurs, parce que, bah, alhamdoulilah, on a la capacité d'aller à l'origine de la source, et on essaye de prendre al-manhaj, al-ilmi, la voie scientifique que les gens de science ont laissé. D'accord? Donc, at-tarout, on verra sa définition, on verra les livres d'Ibn Taymiyyah, hein, qui parle de tarout, on verra les livres d'Ibn Kathir, on verra les livres d'Ibn al-Qayyim, qui parle de toutes ces masaïles, de tous ces sujets-là. On verra par point. Et là, à ce moment-là, bon, j'espère que d'ici là, vous serez un peu organisé dans vos notes, parce que c'est des informations, franchement, qui doivent être préservées et comment on appelle ça, et on doit prendre soin, quoi. Donc, on avait vu les différents types de tarout. Et tarout, le Cheikh Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim, il a cité trois catégories. Trois grandes catégories. C'est comme si, par exemple, vous allez dire, il y a Allah, et il y a trois catégories. Il y a l'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans l'adoration, et l'unicité dans les noms et les attributs. D'accord? Donc, là, c'est pareil. Tarout, c'est un nom général, et il a des branches. Et il a trois types de branches, et sous ces branches-là, il y a d'autres classes qui rentrent. Il y a le tarout aqli et ghayr aqli, c'est-à-dire un tarout qui a la raison et d'autres qui n'a pas la raison. Un exemple de celui qui a la raison, bah, un être humain qui se prend pour une divinité en dehors d'Allah, ou qui n'a pas de aql comme le soleil, comme la lune, comme les idoles. Ils n'ont pas d'esprit, mais ils sont adorés. Vous voyez? Donc le mot tarout, c'est ce qu'on adore en dehors d'Allah ou avec Allah. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que pour moi, c'est clair. J'essaye de mâcher un maximum. Après, voilà, peut-être que des fois, il reste des grands morceaux. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, yaqulu. Oui, donc les trois catégories, c'est men ma'boud, qui est adoré, ou matbou', qui est suivi, ou monta, qui est obéi. Donc, il y a trois catégories de tarout au jour d'aujourd'hui, mais qui existent. El ma'boud, celui qui est adoré. El ma'boud ay imam lahu ittiba'. C'est une personne qui est suivie. Ma'boud, c'est ça, c'est une personne qui est suivie. Ay imam lahu ittiba'. Il a dit, là plus précisément, parce que lui, en fait, il parlait, l'imam Ibn al-Qayyim, c'est un des très très proches de l'imam Ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, si vous voulez, un jour, je ferai sa biographie. C'est énorme. Le nombre de livres et dans les domaines dont il a traité. Mais aujourd'hui, je pense que, avec ces trois chouyours, Ibn al-Qayyim, bien sûr, à leur tête, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, et bien sûr, très récemment, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhim jami'a, notre science aujourd'hui, elle aurait été très, très, très, très, très pauvre. Pour une fois, ces savants, Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, même Ibn Kathir, c'est des références dans tout. Le Qur'an, le tafsir al-Qur'an, qui a commencé à faire unanimité, c'est celui d'Ibn Kathir. Et c'était un élève d'Ibn Taymiyyah. Les livres d'Ibn al-Qayyim, ils sont traités et étudiés partout. Et ils sont étudiés par ses détracteurs, ses ennemis, ou ses suiveurs et ses alliés et partisans. Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Même les kuffars, ils ont tiré des lois canoniques, ils ont établi des lois à partir des livres d'Ibn Taymiyyah. Attention, on parle pas de ce qui a été fait aujourd'hui, hein. Ça, c'est, il y a des lois aujourd'hui qui datent de très très longtemps. Et ça a été puisé et ça a été volé du patrimoine musulman. Donc, c'est des pointures dans le domaine. Et donc, Ibn al-Qayyim a dit, il y a trois catégories. Et donc, al-ma'boud, c'est l'imam qui a des suiveurs. D'accord? Al-ma'boud, celui qui est adoré, en gros, adoré dans le suivi, c'est l'imam. Ensuite, al-matbou'. إمام له متبوع فمن أخذت فمن اتخذ له إماما وتجاوز به الحد بأنه جعل من بين منزلة الرسول وأنه معصوم فهذا المتبوع إذا كان راضيا بما يفعله هؤلاء. Donc je vais pas rentrer dans cette traduction ainsi de suite parce qu'on va la revoir, on va les revoir. Donc comme j'ai dit, ne vous embrouillez pas, ne vous gardez juste ça dans un coin de votre tête. C'est une base de réflexion, c'est une base d'information qui va être développée inchallah avec le temps. On va voir les différentes définitions, on va voir les différentes règles qui sont attachées à ces paroles-là. Donc, wakadalika, il est ainsi, donc, celui qui a un pouvoir sur les gens, idha ghala fihi an-nas hatta ja'aluhu ta'atuhu lazimatan ka ta'atillah. Il est ainsi que ces gens ont mis cette personne à un certain piédestal ou à un certain niveau. Même si c'est pas comme ça que ça se fait, mais en gros quelque part, c'est cette autorité, c'est que leur peuple leur est soumis, d'accord. Donc, Tarout, c'est le dirigeant qui a une main sur les gens, d'accord, et que cette obéissance ou ce suivi et cette soumission, elle se fait dans l'absolu et surtout. Au même titre qu'Allah, enfin, plus qu'Allah, quoi. Ça veut dire que, comme aujourd'hui, la laïcité, la démocratie, ainsi de suite, on voit, hein, on le voit dans le discours et dans la langue de tous les prédicateurs, sans exception. Quand je dis sans exception, il en reste, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Mais la majorité, non, ils le savent pas, je rentre pas dans les raisons, le pourquoi du comment. Moi, je suis pas en train de chercher à leur trouver des excuses de les blâmer ou quoi. C'est un fait, en fait. Je suis juste en train de vous donner des exemples pour que ça vous parle et que ça soit compréhensible, car ce sont des faits. On ne peut pas nier les faits. D'accord? Ils nous appellent à suivre la démocratie. Ils nous appellent à voter. Ils nous appellent à créer des partis politiques. Ils nous appellent à faire un groupe et ainsi de suite. C'est un fait. D'accord? Donc, ils nous appellent à quoi? Il nous appelle à autre chose qu'Allah, parce que cette adoration, cette soumission, il nous demande de l'accomplir coûte que coûte. C'est pour ça qu'on voit plein de fatawas concernant le fait que tu peux enlever ton hijab en allant à la mosquée, ou quand tu vas au travail, il faut que tu enlèves ton hijab. Donc on voit très bien que ce monde et ce système a le dessus sur les lois d'Allah. C'est un fait. Il faut arrêter de se mentir et de se voiler la face si on veut avancer à un moment donné. Maintenant, si on veut rester dans cet égarement et jouir de ce peu de confort, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'avancera pas et on sera toujours dominé. On ne comprendra pas non plus ce qui se passe dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'Allah a bien vu que ce monde a plus de valeur, on a plus peur d'eux que d'Allah. Donc, Allah ne va pas nous enseigner ou nous instruire, tout simplement. Tout simplement. C'est pas parce qu'on apprend qu'Allah automatiquement on va comprendre ce qui se passe. Non. C'est des sacrifices. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on entreprend et qu'est-ce qu'on met en action, mis en place. Donc, elle ferme. La compréhension, c'est pas de là tout le monde. La preuve. Je vais vous donner quelques exemples en Arabie Saoudite, qui est le pilier de l'islam et ainsi de suite, et le phare des musulmans, c'est-à-dire tout le monde se dirige et a son visage tourné vers là-bas. Et est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas depuis quelques mois? Voire depuis quelques années. D'accord. Vous le savez peut-être pas. Est-ce que ces prédicateurs qui sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ulama warathatul anbiya, les savants, les prédicateurs, ce sont les héritiers des prophètes. D'accord? Dans quel sens? Yurathul ilm, ils héritent de la science, qu'ils remettent entre les mains des gens intacts. Aïe. Est-ce que ces gens-là nous indiquent et nous expliquent ce qui est en train de se passer là-bas? On en reparlera éventuellement, mais c'est un sujet. C'est pour ça que vous voyez toutes les informations que je vous ai données. Pour l'instant, tout ce que je vous dis, c'est de ne pas trop y réfléchir. Et on a eu déjà à l'époque où on donnait des cours, des gens qui ont été précipités dans des déductions et dans des compréhensions, et boum. Et du coup, c'est eux qui sont guidés, tout le monde est égaré, tout le monde est mécréant. C'est pas venir. Moi, je suis en train de vous donner certains fondements, et à chaque fois, je m'arrête pour vous dire, n'allez pas trop loin avec ces informations-là. Attendez, elles vont être développées avec le temps, mais avec des sources et et on pourra faire la distinction entre chaque chose. D'accord? Donc le sujet du vote, c'est du shirk, billah, et ainsi de suite, mais je vais pas aller plus loin que ça. D'accord? Le mieux, moi je vous dis de vous abstenir, après de comprendre son hukm shara'i, son statut juridique. Et l'had et la sentence, ou du moins la condamnation qu'il doit y avoir derrière, ça on viendra après, parce qu'il y a même des gens aujourd'hui qui ne comprennent même pas ce sujet et qui sont perdus. Je parle même pas des prédicateurs, parce que eux ils sont noyés, gars, c'est même pas, ils sont perdus, ils sont noyés. Mais pourquoi je veux pas trop répondre? Parce que une réponse va en amener une autre, et va en amener une autre, et va en amener une autre. Donc je préfère que ça vienne tout doucement, mais qu'on ait des bonnes bases et des bons fondements, et que cette science ne nous détruise pas, parce que, attention, elle peut avoir l'effet inverse. Donc, comme je disais, est-ce que ces gens nous sont en train de nous, les prédicateurs et les derrière, ainsi de suite, ils nous racontent pas, ils sont en train de créer un islam étatique. C'est-à-dire, chaque pays, il aura une pratique particulière en fonction du pays. Donc finalement, il n'y a plus d'islam en fait. Ils sont en train de faire disparaître ça. Ils sont en train de faire fondre cet islam-là dans chaque pays. Pourquoi on ne nous parle pas de ce qui se passe? Parce que maintenant, malheureusement, cette communauté n'est plus comme ce qu'Allah a dit. « Inna hadihi ummatukum ummatun wahida » Celle-ci est votre communauté, une seule et même communauté. « Wa ana rabbukum fa'abudun » Et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. Et donc cette stratégie, étant donné qu'elle est mondiale, forcément, on va avoir, différentes tendances. Et en fonction des tendances, vous changez de pays, vous allez voir que chacun diverge. Mais alhamdoulilah, il reste des gens accrochés au haq, avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, et on est dans le même cheminement, que ça soit au Maroc, que ça soit en Algérie, que ça soit en Tunisie, que ça soit en Mauritanie, que ça soit, mais on est très peu. Enfin, on est très peu. Quand je dis on est très peu, c'est ceux qui sont dans cette voie sont très peu. En Arabie Saoudite. En Irak, en Syrie, au Yémen, dans les pays d'Afrique, au Mali, au Sénégal, au Nigeria, et ainsi de suite, aux États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Alhamdoulilah, il reste quelques. Et ces gens-là, Allah, à un moment donné, il va les sortir de ce piège-là et laisser les traîtres mourir avec eux, ou continuer à manigancer avec eux, ou exploiter et dominer les musulmans pour soumettre et pour qu'ils soient soumis à ce nouvel ordre mondial qui est en train de voir le jour. Il est déjà là. Les arcanes et les artères, concrètement, sont déjà là depuis très longtemps. Officieusement, elles opèrent. Officiellement, pas encore. Vous avez tous entendu parler du G7, du G20, de l'OMS, de l'OMC, et j'en passe. Bah, tout ça, c'est le gouvernement mondial. L'OTAN, l'ONU. C'est ça, le gouvernement mondial, en fait. Bref, je vais pas rentrer dans tout ça. Et en tous les cas, voilà ce qui se passe aux États. Dans ce pays-là de l'Arabie Saoudite, pourquoi ces gens ne transmettent pas ce qui se passe? C'est pour ça que je vous dis, apprenez l'arabe, parce que voilà, vous êtes handicapé et vous le serez tout au long de votre vie et jusqu'à la fin de vos jours, handicapé et dépendant. Donc forcément, quelqu'un qui est handicapé est dépendant. Tant que vous apprendrez pas l'arabe, vous serez handicapé. Et vous ne percerez pas al-haq comme il doit être perçu. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle entre vous et al-ilm, qui directement vient d'Allah. Vous allez avoir des gens qui vont manipuler cette science pour lui donner un autre sens, une autre interprétation, pour exploiter. Pour se faire exploiter, le pire, parce que eux-mêmes sont exploités par un système. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite? C'est la razia de tous les savants. Tous les savants sont éliminés. On va dire le peu de savants qui restaient, hein, parce que ceux qui avaient avant, bon, ceux qui prêchaient le haq et ainsi de suite, ils sont tous en prison, torturés. J'ai des nouvelles, bon, de certains, ils sont très malades. Des fois, il y en a, ils subissent des sévices et des tortures qu'on n'a jamais imaginées. D'accord? Et le peu de savants qui restent, ben voilà, ils sont traîtres et lâches. Ils commencent à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait de la musique. Ils commencent à dire qu'il invitait des gens et qu'il leur disait qu'il était, on va dire... vous savez, celui qui écrit des musiques, c'est comment on parle à l'auteur, là, celui qui écrit des textes. Hada, c'est un shaytan al-rajim. Subhanallah, il s'appelle Al-Kalbani. Al-Kalbani, il faisait et la khutba al-jumu'a à la Mecque. Il récitait à la Mecque, à Médine. Et ainsi de suite. Donc vous croyez que quoi? Si déjà là-bas, le gouvernement qui doit être normalement très très proche de l'islam, il doit reproduire l'islam, puritain ou originel. On voit que des manifestations bizarres et des changements de direction bizarres. Vous croyez que ceux qui sont dans les autres pays, ils vont se gêner? C'est pas pour faciliter ce qui se passe, enfin, ou l'évolution ou cette technologie, parce que de toutes les manières, si on vient à regarder l'essence même de cette technologie, elle est diabolique, elle est satanique. Donc en soi, elle est mauvaise. On va pas rentrer dans ce sujet-là. La majorité des gens ne le savent pas. La majorité des gens qui doivent être cultivés ne connaissent pas ça. Ok, très bien, y a pas de souci. Mais les quatre écoles, c'est dans quoi? C'est dans l'approche, en fait, des civilisations et des situations et des époques. Ok, mais ces savants, les quatre écoles, unanimement, ils ont jamais autorisé de voter. Ils ont jamais autorisé que quelqu'un d'autre qu'Allah peut légiférer et que on doit obéir et que ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après le pourquoi du comment, justement, le but c'est pas vraiment de rentrer dans le truc, c'est tout doucement, ça va pousser chacun à la réflexion et ça va vous emmener. Donc, en fait, ces savants-là ou ces écoles-là, elles sont là pour codifier et encadrer et ne pas laisser les gens déborder. Tout simplement. Les madahib, ils divergent dans quoi? Ils divergent, tu sais dans quoi? Les madahib, ils divergent dans le tashahoud, ils divergent dans le nombre de fois dont on fait l'odo, ils divergent dans la chronologie, par exemple, dans l'odo, ils vont diverger dans murtalat as-siyam, dans les annulations du jeûne, ils vont diverger dans les piliers de la prière, ils vont diverger dans le fait que, tu vois ce que je veux dire? Ils divergent pas dans les muharramat comme la musique, al-ghina. La musique, elle est haram, muharrama. Elle est unanimement reconnue. Et ce kelb de Kalbani, il a dit que c'est autorisé. Mais il n'y a pas que lui, il y a Mouramsi. Donc, faut savoir, tous ceux qui sont encore, ou qui ont encore une place, ce sont des traîtres, ce sont des vendus. Ou ils l'ont fait parce qu'ils ont été menacés et torturés, ou ils l'ont fait parce qu'ils sont convaincus, ils ont changé, mais c'est pas ce qu'ils disaient avant. Donc, attention! Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas que ça qu'ils sont en train de laisser passer. Ils sont en train de laisser passer ou autoriser des choses, et après ils ne les contrôlent pas. Par exemple, la musique qu'ils ont laissée. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement, là? Il y a eu un concert d'un shaytan. Il y a que des femmes majoritairement qui étaient là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant son concert? Déjà d'une, il a fait, et bien sûr, je suis pas au courant, il y a des concerts, il y a la franc-maçonnerie qui est là-bas, ça y est, l'antéchrist, il est là-bas. Il est aux portes de Médine et de la Mecque. C'est pour ça que là, à la fin, on est vraiment dans cette fin. Et là, je crois qu'on n'est pas en train de se rendre conscient. L'Arabie Saoudite est en train d'être détruite. Et ça y est, sachez une chose, les peuples, la valeur, ces choses-là sont détruites. Regardez le monde musulman, qu'est-ce qu'il fait? Non, il va manifester pour le voile, pour un petit mouton rôti à Eid al-Adha. Ils vont pour des mosquées, pour soi-disant que nos enfants, ils apprennent quoi? Ils apprennent l'islam de France et qu'ils soient des futurs pions et des outils de ce système. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils apprennent à nos enfants. Et ces imams, vu que la vie est belle pour eux, ils jouissent. Ils vont essayer de donner des petits... C'est des psychologues, hein, tout simplement. Avec un air musulman. Donc, je reviens à ce concert. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait sur Shaytan? Wallah, j'ai vu la vidéo. Au moment donné, il a commencé à faire les signes. Le cornu, là. Les signes des deux doigts, truc avec le, il y a quelques personnes en foule qui l'ont fait. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit, mais là, on voit bien que, subhanallah, Je ne comprends pas comment ça ne peut pas être flagrant. Comment ça se fait que notre communauté n'est pas avertie? Et les prédicateurs et les savants, c'est leur travail de transmettre. Le prophète, ça semble, quand il est venu, quand les autres prophètes sont venus, transmettez quoi? Ouais, il faut pas manger comme ça, c'est pas bien, ou ça c'est interdit, ou le zina, je sais pas quoi, ou... Non, il s'attaquait aux problèmes de la société. Ça fait pas que ton pantalon il dépasse la cheville, ou ton hijab il dépasse un peu, il est pas très truc, ou ton kamis il dit, faut arrêter. Il est venu casser un système. Et ce système, le nouveau système qui est venu, il a des codes, il a une tenue, il a des valeurs, il a une morale. Et qu'est-ce qu'il a fait, donc, ce Shaitan? Il a levé le corps nu et il a dit que chaque femme enlève son soutien-gorge et qu'elle me le donne. Et c'est ce que toute femme a fait. Excusez-moi. C'est peut-être impudique, mais il n'y a pas de pudeur en religion, surtout quand on est attaqué. Et surtout quand on est attaqué au plus profond de notre être, c'est-à-dire fi al-haram. Pas grave ça quand même. Des représentations d'enfer derrière, sous un fond, tu sais, des animations, des feux de flammes et ainsi de suite. Mais on va où là comme ça? Est-ce qu'on se réveille? Est-ce que vous avez remarqué qu'on est anesthésié et que tout ce qui se passe dans le monde ne nous fait plus aucun effet? Tout ce qui nous fait un effet, c'est j'ai pas d'argent, j'ai mon frigo il est vide, j'ai plus de travail, je ne fais plus ci. C'est ça notre vie en fait. Dès que ça va pas, ça, la vie elle tourne mal. Bon, mais on voit pas tout ce qui se passe. Les femmes qui sont qui ont été touchées dans des guerres où ces cochons de mécréants sont venus. Vous savez qu'elles sont enceintes de ces cochons? Vous savez pas? Les hôpitaux, ils sont il y a même des fatawas et des questions qu'elles posent, ces femmes-là. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces enfants? Est-ce qu'on doit les garder ou pas? Vous savez, tout ce qui s'est passé, c'est des endroits où ils ont mis les pieds, ces mécréants. Après, ils me parlent de guerre propre, ainsi de suite. Le jour où on continuera à vouloir se faire éduquer par nos bourreaux, faut pas chercher à qu'il y ait une évolution, une amélioration. D'accord? Tant qu'on pense que ces gens-là sont eux qui doivent nous expliquer ou nous diriger ou nous donner des axes de réflexion, ou ces imams vendus qui ont prêté allégeance à la République, comme certains, Gérafil, il le dit, hein, donc clairement, j'ai prêté allégeance à la République, et les ramadans, et tous ceux, et quand on voit leurs followers, et ainsi de suite, vous voyez l'état de l'islam et des musulmans dans le monde. C'est à peu près pareil, dans tous les niveaux, parce que là, nous, on a des égareurs à ce niveau-là, mais dans chaque pays, il y a des égareurs c'est aberrant. Et le pire, c'est quoi? C'est que, ça bouge, mais dès que ça bouge en Arabie Saoudite, ils se font arrêter tous. Mais le gars, il l'a dit, là, l'autre, le ministre du divertissement ou de la culture, il a dit, on va faire en sorte que ce pays soit à l'image des pays occidentaux. Est-ce que vous avez compris qu'on est dans une phase chaotique et qu'il faut vraiment changer? Il faut faire confiance à personne, il faut apprendre sa religion et les fondements que je vous transmets et continuer dans son cheminement. Il faut faire confiance à personne. Il faut faire confiance à personne. Il faut faire confiance à partir du moment où la personne elle est sur ses deux fondements, le Coran et la Sunna, et ala minhaj as-salaf, sur la voie des salaf, c'est-à-dire de la manière dont ils ont compris, ils ont entrepris, ils ont appliqué, pas comme aujourd'hui. La plupart de ces gens-là, ils te demandent pas de suivre la voie des salaf. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà entendu le nom d'un salaf de leur bouche? Des prédicateurs. Donc après, les gens qui savent pas, qui connaissent pas, mais qui se mettent en retrait, qui n'arrêtent pas de nous raconter des salades et nous endormir avec leurs récits, on cherche pas des contes d'enfants ou des histoires d'enfants pour dormir. Faut arrêter. Au contraire, on doit se réveiller. Donc c'est pour ça que moi, à chaque fois, je vous dis quoi? La langue arabe et le Coran, au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, on fait un parcours ensemble et ainsi de suite. Pourquoi je vous incite à ça et à l'ilm shar'i? C'est parce que demain, on ne sait pas, nos chemins ils vont sûrement se séparer, on ne sait pas ce qui va se passer demain, ça va être très compliqué. Mais au moins, vous avez des fondements et des bases sur lesquels avancer et que vous savez qu'il n'y a pas à faire confiance à qui que ce soit. Parce qu'on est vraiment dans un monde chaotique, encore une fois. Pourquoi ces gens-là nous interpellent pas face à tout ce qui se passe? On se pose la question, pourquoi on est obligé d'aller chercher et d'interpréter de nous-mêmes? Pourquoi quand on les écoute, on ressent qu'en fait, ils sont en train de nous conditionner involontairement, volontairement, encore une fois, c'est pas mon problème. Moi, je regarde juste la finalité. C'est que ils sont en train de faire en sorte que les musulmans soient dociles et manipulables. Pourtant, on voit que cette société, et même dans le monde, elle est en train de se retourner. C'est pas compréhensible. L'autre, là, le ministère de Al-Turki. Al-Sheikh Al-Turki. Le responsable. Il l'a dit, hein, nous, on va casser tous ces codes-là, du wahhabisme, ces codes un peu trop rigides, et ainsi de suite. On veut que ça soit un pays de tourisme, on veut que ça soit un pays de... Et ça a commencé, donc, les femmes, elles commencent à se déshabiller, on voit des... Quand je dis attention déshabiller, c'est-à-dire qu'elles avaient, à la base, la coutume, la religion, hein, c'est le voile. Et maintenant, ça y est, hein. Maintenant, elles savent que le monde a un regard sur eux. Khlas. Et maintenant, ils ont des ministres, je vous dis, hein, ce sont les ministres de Shaitan en personne, ces gens. Et c'est pour ça qu'ils détruisent ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils détruisent ce qui se passe. Regardez le peu de mœurs qu'on avait encore dans ces pays, en Arabie Saoudite. Bientôt, quand vous allez faire le Hajj, vous allez voir, hein, c'est pareil que l'Occident. Mais juste dès que vous rentrez dans la mosquée, voilà, c'est autre chose. Vous allez avoir des clowns, des gigolos, des zigotos qui vont faire un cirque et ainsi de suite. Et après, à la fin, vous allez sortir autant comme vous êtes rentré, le cœur vide. Pourquoi? Parce que spiritualité, on n'a pas. Par contre, attention. Je suis pas en train de dire qu'ils dominent et qu'ils font des trucs et on est exterminé, on est foutu et ça y est, on doit. Non, non, non. Je suis juste en train de faire un constat et un état de la situation parce que je m'instruis, je m'informe et je me cultive et de tout ce qui se passe dans le monde, dans ma communauté, en France, à l'étranger, voilà. Après, bah, c'est un devoir de transmettre. Maintenant, savoir une chose, c'est que moi, ça me réjouit de voir tout ça. Ça fait mal au cœur parce que c'est nous et c'est les faibles. J'ai plus un regard, voilà, par rapport aux faibles, où les femmes, les vieux, les enfants, les orphelins, ceux qui sont en prison, parmi les femmes ou les hommes, les savants, ou les prédicateurs, ou les activistes, ou les dissidents, ou ainsi de suite. C'est pour eux que j'ai franchement mal au cœur. Après, je me réjouis, pourquoi? Parce que je sais que c'est la fin. De là, grâce à cette étude, ce qu'on a vu de l'ilm d'Allah, et on sait que quand on arrive à ce moment-là, c'est la fin. Donc, il faut qu'ils s'attendent, ces koufars, dans le monde, d'une manière générale, qu'il y a une nouvelle société qui va naître, qui va leur opposer la résistance et qui va prendre le dessus sur eux. Finalement, ils sont en train de s'autodétruire. Mais nous, on ne doit pas suivre cette vague. On doit se préserver, se prémunir. Et comme Allah a dit, pour faire partie des camps, du camp d'Allah, des partisans d'Allah. D'accord? Donc malheureusement, voilà, tout ça pour dire que c'est catastrophique. Désolé, je fais un bon petit crochet, mais bon, j'estime que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. On transmet l'ilm d'une manière générale, oui, instruire, se cultiver, pour donner et d'avoir des bons fondements, mais après, il faut aussi qu'on ait des notions et de savoir dans quel monde on marche. Donc, le Tarout, comme je disais, le Tarout, il est de ces trois catégories, et c'est celui qui a dépassé les limites qu'Allah a fixées. يقول الشيخ الطاغوت كثيرة هناك كم هائل يعبد من دون الله رؤوسهم خمسة donc et donc الطاغوت الطواغيت ils sont plusieurs, d'accord, الطواغيت ils sont plusieurs, الطاغوت il est plusieurs, comme on a dit tout à l'heure. l'heure, c'est comme si vous faisiez un cercle et dedans, vous allez mettre mes passions. Je vais mettre même moi des fois, je parle pas de moi, alhamdoulilah, mais on peut s'aduler. Aujourd'hui, il y a aussi ça, c'est que je m'aime, que ce soit les femmes ou les hommes. Hein. Alors là, les hommes, c'est un truc de malade. C'est des femmes. Produits de beauté, les UV, ils se taillent les sourcils, ils se font des fois même des trucs au niveau des lèvres, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est dans un monde. Faut le voir, faut le vivre pour le croire. Et donc on peut rentrer ça aussi, c'est que d'aimer son corps. D'aimer son corps, d'aimer sa personne, toi quand tu te regardes dans le miroir, bah, t'as un milliard d'émotions et tu t'adules. Ça, c'est un tarot. Surtout si ça te pousse à ne pas remplir tes obligations vis-à-vis d'Allah. Donc, les tarots, ils sont plusieurs et il y a plusieurs types de tarots qui sont adorés. Ru'usahum khamsatun. Leur tête, elle est de 5. Aïn, kibaruhum, ru'usahum, Iblis, la'anatullah alayhi. La tête des tawarit et du tarot, c'est Iblis, qu'Allah le détruise où qu'il soit, lui et ses alliés, et qu'il annule leur plan ou qu'il retourne leur plan contre eux. Amin. N'oublie pas de dire Amin. Ada huwa at-tarut at-tawarit. Lui, comme il a dit le cheikh Ibn Qayyim, il a dit lui c'est le tarut des tawarit. Lui c'est la tête en fait des tawarit. Ça veut dire que tout dépend de lui. Tout découle de lui. Le tarout dans le hukm, dans le fait de juger. Le tarout dans le fait de légiférer. Le tarout dans le fait de... dans le fait de d'appliquer les hudoud, les sentences. Tarout, par exemple, dans le fait de d'enjoliver à la personne... comment s'appelle que cette personne-là, ce mort, il t'entend, il peut t'exaucer, ou il est proche d'Allah et il peut transmettre ton invocation à Allah. Et ainsi de suite. Mais qui est au-dessus de tout ça? Qui a fomenté tout ça? Qui a manigancé tout ça? C'est Iblis, la'anatallah alayhi, wal malaikati wal nashi ajma'in. Amen. Donc, lui, c'est la tête de ta route. هذا هو الطاغوت الطواغيت ابليس اللعين وينبغي ابليس المودي وينبغي ان نقول اي اون دو دير اللعين ولا نقول ولا تقول لعنه الله لاننا لم نتعبد بالدعاء عليه دونك il a dit on doit pas dire comment s'appelle on doit dire Iblis le maudit, car wala taqul la'natullah alayhi, et tu dis pas qu'Allah le maudisse, li'annana la nata'abbad bid-du'a alayhi, car on n'adore pas Allah en faisant cette du'a, en gros, parce que la du'a en gros c'est une manière d'adorer Allah, tu vois, mais bon là il a pas forcément, je vais pas dire il a pas, c'est pas qu'il a pas forcément raison, il y a d'autres paroles. Parce qu'on a des hadiths où justement Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a maudit. En disant la'anat Allah alayhi. D'accord? Donc en tous les cas, bref, on prend juste le fait que innama tu'abbadana bil isti'adha billah min sharrihi fi mawadhi' kathir. Donc on doit faire les invocations pour qu'Allah il nous préserve de lui dans les différentes situations. Quand on commence par exemple une ruqya, quand on va arriver comme les invocations dans les invocations du soir par exemple, on a a'oudou billahi a'oudou bi kalimati llah tammat min sharri ma khalaq. Donc on demande la protection d'Allah contre lui. Iftitah as-salat, après la prière, au moment de la prière a'oudou billahi minash shaitani rajim, on commence la prière, ou avant de lire le Coran a'oudou billahi minash shaitani rajim. وقبل تلاوة القرآن avant la lecture du Coran, donc comme je dis عند دخول الخلاء, au moment où on rentre dans les toilettes, et ainsi de suite. ومن عبد هو راض, et celui qui adore il a accepté, c'est-à-dire celui qui suit il a accepté. احترازا من الأنبياء والملائكة. فإن بعض المشركين يعبدوهم. Donc, من عبد celui qui a adoré les a agréés, sauf les prophètes et les envois et les anges. Car à la base, ils ont été envoyés avec une mission bien particulière et spécifique. فإن بعض المشركين, car la majorité des mécréants, les adorent. Il y en a, ils disent, quand Allah, il dit quoi? Subhanallah, le verset, voilà, il parle de, du fait qu'on adorait, qu'ils adoraient plutôt les anges et les prophètes. Bref. J'essaie d'avancer parce que là, je me suis étalé sur le truc. J'ai envie de commencer le livre de Fiqh. ولكنهم غير راضين بذلك. Bon, même s'ils ont été adorés, les anges et les prophètes, par ces gens-là, à la base, ils n'acceptent pas, ou du moins, ils ne valident pas cette adoration. D'accord? C'est-à-dire que le jour, parce qu'on sait que Jésus, par exemple, il est adoré. D'accord? Allah, le jour du jugement, il va dire à Issa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de les adorer en dehors de moi? Et Allah, il dit, قال سبحانك ما قلت له. Mais c'est pas vrai, j'ai rien dit. Ou je leur ai pas dit de t'adorer. Ma قلت له إلا قلت. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as dit de dire? Ou أنت الرقيب علي. Et tu es celui qui m'observait. إن قلت له فقد علمت. Et si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Ou أنت على كل شيء قدير. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'ils adoraient Jésus. Mais Jésus, il va dire, mais je me désavoue de vous. Comme le soleil. Pareil, il va dire, je me désavoue de vous, et ainsi de suite. Donc, peuvent être adorer les anges, et ainsi de suite, d'accord? Mais eux vont refouler, et refoulent leur adoration. Bel, yatabarra'ouna min abadihim wa min du'a. Et donc, ils se désavouent donc de leur adorateur. Min du'a innas ila ibadatin nafsihim. Ayyu tughyan fawq hadha tughyan. أن يدعو الناس إلى أن يعبدوه ومن أطاعه فقد تجاوز به الحد ومن ادعى شيئا من علم الغيب فإن ذلك يناقض قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو الطاغوت. Donc justement, pourquoi ces gens-là, les anges et les prophètes, car ils sont censés connaître certaines choses normalement de l'invisible ou du monde de l'au-delà. Donc c'est pour ça que les shayatin, attention, vous savez qui c'est qui fait ça? Maintenant nous, alhamdoulilah, grâce à Allah, on a pu comprendre du fait qu'on dans le monde de la ruqya, que c'est les shayatin en fait qui nous font soi-disant entendre des voix, ou qui vont se faire passer pour des anges, ou parce que c'est des gens proches d'Allah et ainsi de suite, et qui sont là pour nous, tu vois. Donc c'est un pacte très subtil. Vous comprenez? وَمَنْ حَكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Et celui qui juge par autre, oui, interférence, forcément, ils vont faire des interférences au moment où j'en parle, parce que je les vise. Ils sont concernés. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi, c'est le cas. En tous les cas, وَمَنْ حَكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Et celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. C'est un tarout. وَقَدْ يَكُونُ كَافِرًا. Et il se peut qu'il soit mécréant. Voilà. وَقَدْ لَا يَكُونُ كَافِرًا. Et il se peut qu'il ne soit pas mécréant. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a deux catégories de tarout. Le tarout aqli et le tarout غير aqli. C'est le tarout qui a un aql, qui a une raison. Et donc forcément c'est une créature qui a une raison. Donc c'est une personne qui peut être mécréante étant donné qu'elle adore ou qu'elle demande à être adorée en dehors d'Allah. Ou suivi en dehors d'Allah, ou qui peut être pas mécréant comme la pierre. Non, ça coupe pas, j'entends. Vous m'entendez? Ils sont tous en train de travailler ensemble pour essayer de trucs. Mais qu'Allah les maudisse et les détruise et qu'il les éloigne de nous. Amin, amin, amin. Donc oui, je vais revenir sur ça parce que ça c'est une stratégie et la plus grande de leurs stratégies. Je vois des choses qui se réalisent. Des fois, voilà. Tout ça, c'est eux. Victoire. Moi, en fait, c'est un sort de tel bis. Le bis, c'est qu'il maquille. Aujourd'hui, on est dans le faux, il maquille avec du vrai. Donc, le statut de ce qui est... Ouais, c'est normal. C'est pas normal. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ok. Bon. C'est mes copains. On se voit très souvent ces derniers temps, depuis un petit moment. Je leur amène des cadeaux, je leur amène pas mal de choses. Je leur réserve encore d'autres cadeaux. Donc, on continue. Le jugement de celui... Ouais, bah justement, on donne à tout le monde, on essaie de servir tout le monde. Et on peut, en même temps, il faut pas oublier que je pense qu'il y en a forcément qui doivent réfléchir et ainsi de suite, Inch'Allah, parce que aussi, il y en a des gens qui sont raisonnés, il y en a des gens qui... Voilà, Allah guide tous les jours des gens, parmi les djinns et les êtres humains. Donc, il n'y a jamais d'absolu. Alhamdoulilah, certes, ça va les détruire en tout ça, mais en même temps, voilà, le but, c'est qu'ils comprennent des choses. Parce que faut pas croire, ils sont pas très intelligents. Pas peut-être ceux qui sont là avec nous, parce que... voilà. On a essayé de mettre un peu la barre un peu plus haut. Donc, du coup, je pense qu'on a un peu relevé la barre. Et donc, du coup, là, ils ont mis des gens, mais alhamdoulilah, on va monter de niveau, en tous les cas. Donc, le hukm biri anzalallah, le statut de ceux qui légifèrent ou qui jugent en dehors d'Allah. Alors, j'ai dit, il y a deux catégories, l'aqli et le rire aqli. L'aqli, c'est celui qui est affilié à un homme, pas une créature, qui a un roi, ça peut être un ministre, ça peut être un député, un président, ça peut être un monarque, ça peut être ce que vous voulez, d'accord? Ça peut être aussi... non, là, ça rentre pas dans le hukm. Donc, lui, peut être un tarout, ça veut dire que si il sait que les gens le suivent ainsi tout et qu'il l'agrée et qu'il l'aime, c'est-à-dire qu'il aime bien cette chose-là, c'est un tarout. Il sait que il fait ce que Allah ne veut pas, que les gens lui obéissent et lui sont soumis dans ça, et que les gens, de toute façon, ont tellement peur qu'ils sont complètement terrorisés par son système, son gouvernement, ses lois, et toutes les sentences qui sont rattachées à ceux qui désobéissent, qui déclarent pas ses impôts en temps et en heure, qui payent pas ses amendes, qui payent pas, comment ça s'appelle, la taxe d'habitation, ainsi de suite, il sait qu'il va se faire, il a déjà préparé de 2-3 ans à l'avance ce qu'il va leur payer. Il a l'effroi dans son cœur. Et donc, ces gens-là, ils sont de... Et ça peut être un mécréant. Et celui qui est affilié comme aux anges, non, pas aux anges, au soleil, les planètes, ou la lune, ou les arbres, ou les tombes, ou les statues, eux, on dit qu'ils sont rayar akli. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison. Donc, ils ne peuvent pas être mécréants. Parce qu'à la base, ils ne sont pas interpellés par les ordres d'Allah. Voilà. Pourquoi, en fait, c'est un kafir et c'est un tarout? Parce qu'en fait, il a dépassé les limites qu'Allah a fixées. Par exemple, toutes les lois qu'on a au jour d'aujourd'hui, elles sont contraires à la sharia, pratiquement. D'accord? On va prendre la question d'actualité, le voile. Elle est contraire. Donc, celui qui obéit dans la désobéissance à Allah, il l'a pris comme tarout. Maintenant, attention, je parle d'une manière générale. Après, il y a le cas par cas. C'est comme on dit, par exemple, celui qui fait ça, c'est un mécréant. D'accord? Maintenant, on va pas dire que directement, ah, t'as fait ça, ah, t'es un mécréant. Non. Après, il y a du cas par cas. Et là, on rentre dans Dawabit, dans les mawani', dans les interprètes, dans les exclusions, dans les conditions, et en fait après c'est du cas par cas. Mais la chose elle est grave, vous comprenez? Voilà. Ensuite, ومن أطاعه في ذلك ووفقه في ذلك فقد تجاوز به الحد. C'est ce que je viens de dire. ثم ذكر الشيخ دليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Et ensuite, le cheikh, il a donné une preuve, un argument sur l'obligation de se désavouer de Tarout et l'obligation d'adorer, d'avoir la foi. Et c'est dans le verset de Sourate, dans Sourate al-Baqarah, juste après ayat al-Kursi, Allah il dit quoi? La ikraha fi din. Pareil, cette interprétation, vous pouvez la voir. Bah, franchement, quand je regarde ces interprétations des prédicateurs sur YouTube ou quoi, mais je me demande dans quel livre ils lisent. Est-ce qu'ils ont acheté leur livre dans une bibliothèque de bande dessinée? Je sais pas, on se pose des questions, c'est pas normal. Comment se fait-il? Et on n'a pas les mêmes interprétations, c'est pas normal. Donc, il dit, nul car nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de la de l'égarement. Après, celui qui se désavoue du tarot. Donc là, on revient sur le sujet, on revient sérieux. Donc on revient sur le sujet où Allah il dit, où le cheikh il a dit, qu'il est obligatoire de se désavouer du tarot et d'adorer Allah. Et on le trouve dans ce verset où Allah dit quoi? Wa man yakfur bit tarot, et celui qui se désavoue du tarot, wa yu'min billah, et qu'il croit en Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa fi samalah, il a alors à ce moment-là, une fois qu'il a accompli ces deux piliers, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa fi samalah, s'il a fait ces deux choses-là, il s'est alors accroché, ou il a alors saisi l'anse ou la corde la plus solide qui ne peut pas se briser, qui est la ilaha illallah. Et je sais pas si vous avez fait attention dans ce verset, Allah, il a commencé par, mais yakfur bit ta'out. Il a commencé par quoi? An-nafi dayn, ou dans la shahada, la ilaha illallah, on a bien quoi? La négation dans ce verset. La négation et l'affirmation. Wa man yakfur bit ta'out, la ilaha. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهِ. Vous avez suivi, vous avez compris? On avance. يقول الشيخ وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Et ça c'est le sens de لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهو معنى لا إله إلا الله. Donc celui qui dit ça, par exemple maintenant, quand nous on fait la shahada et qu'on met l'intention maintenant de ça, c'est-à-dire que لَا إِلَهَ dans mon cœur et dans ma tête, c'est tout ce qui est adoré, ou qui a pu être adoré, ou qui a pu être inventé, me désavoue de ça, j'adore Allah seul. T'as compris? Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce que la shahada donne comme sens quand vous la faites. C'est qu'en gros, dans votre tête et dans tout, je détruis tout ce qui a pu être adoré en dehors d'Allah et j'adore Allah seul. D'accord? La shaykh. وفي الحديث رأس الإسلام وعموده الصلاة ودورته سنامه الجهاد في سبيل الله. Donc tête, رأس الأمر, la tête de cet ordre, c'est l'islam. Mais l'islam dans quel sens? C'est l'islam lillah. Parce que l'islam en soi, ça veut rien dire. Les gens parlent de l'islam, le christianisme. C'est pas un nom de religion, l'islam. C'est un concept et c'est ce avec quoi tous les prophètes ont été envoyés. D'accord? C'est pas un terme. Encore une fois, le problème aujourd'hui, on utilise des termes en pensant que c'est des titres, c'est des noms, c'est des slogans, c'est des... Non, c'est une implication, ça a un sens. L'islam, c'est l'islam lillah, la soumission à Allah. Donc celui qui dit que je pratique pas, mais je suis musulman et je suis dans l'islam, comment tu peux être rebelle et soumis en même temps et qu'il n'y a pas d'action? C'est pas possible. Comment tu peux te rebeller face aux ordres d'Allah et en même temps tu me dis pas dans Allah? Comment tu fais? C'est quoi? Vous voyez? C'est que c'est incompatible. Donc il a dit, l'ordre de l'islam, ou la base de l'islam, ou le fondement, ou le pilier de l'islam, c'est le pilier de cet ordre, de cette affaire-là, c'est l'islam, c'est la soumission. هذا الطرف من حديث معاذ بن طويل الذي رواه الترمذي وغيره قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعمل يدخلنا الجنة ويباعدنا عن النار. Donc il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que par rapport à ce hadith-là, il a été tiré par ce hadith qui a été rapporté des compagnons, et il disait, les compagnons demandaient au prophète, donne-nous un hadith qui va nous akhbirna bi'amali, une action, ou enseigne-nous une action qui va nous faire rentrer au paradis et qui va nous éloigner de l'enfer. Qala laqad sa'altuni an 'azim, vous m'avez demandé, vous m'avez questionné sur une chose énorme. sur une chose énorme, c'est-à-dire d'un point de vue objectif et impact et conséquence. Par contre, c'est quelque chose d'énorme, mais c'est très très simple pour ceux à qui Allah a facilité. D'accord? Il a un qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il dise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mu'ad ibn Jabal, c'était un grand savant, le savant du halal et du haram. Il disait, ala ukhbiruka bi ra'sa al-umr kullahu wa 'umuda ودورته سلامه قلت بلى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne veux-tu pas que je t'informe sur le pilier de cet ordre et umudahu, c'est ses fondations. قلت بلى. Il a dit bien sûr au prophète. قال رأس الأمر الإسلام. Le pilier de cette chose-là, c'est l'islam. Donc, l'islam est la condition et la base de tout. Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que celui qui rentre, il est prêt à se soumettre à Allah. Ça le truc. C'est que je dois me soumettre, je dois soumettre mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit à Allah. Tout ce qui va être contraire à Allah, je dois tout faire, mon travail, et de me donner les moyens de ramener ou le ramener vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et umudahu, et son pilier, c'est la prière. C'est la première des obligations. Première et la seule obligation après at-tawhid, après l'unicité d'Allah, c'est al-wajibat. Donc ensuite, je dis, ouais, c'est ça. On va finir sur ça et malheureusement, on va pas faire de fiqh aujourd'hui, ça sera pour demain, inchallah. Si vous voulez bien sûr demain le faire, ou sinon, ce que je ferai, je l'enregistrerai avec la sœur. Enfin, je ferai un groupe avec ceux qui veulent participer demain. Et on fera la partie de fiqh, d'accord, parce que là, ça va prendre du temps, et voilà. Donc, وَقَالَ دَوْرَةُ سَنَا. Bon, je vais pas traduire cette partie, parce que, encore une fois, c'est pas que je fais attention, c'est que j'ai pas envie que, voilà, ça soit mal interprété, parce que, encore une fois, malheureusement, du fait que vous êtes pas conditionné, que vous n'êtes pas habitué à lire ces livres-là, ou à entendre de ces prêches-là, par exemple, quand ça parle de l'islam, du jihad, directement, là, on est tous en mode d'alerte. On est en mode d'alerte. Il y a une sonnette d'alarme qui est en train de retentir partout. Jihad. Et malheureusement, tant qu'on aura peur de parler de ces sujets-là qui font partie de la religion, eh ben, ça va être très délicat pour les gens. Donc, je préfère pas rentrer dans ce sujet-là maintenant pour de peur que vous ne me compreniez mal. On va laisser ça pour après. Pour le plus important, c'est de se construire, d'un point de vue idéologique, conviction, ainsi de suite, parce que le vrai combat au jour d'aujourd'hui, si c'est vrai qu'il a déjà commencé physiquement, le vrai combat qui, pas qu'aujourd'hui, qui a commencé déjà depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui on voit qu'ils accélèrent, c'est d'un point de vue idéologique. Et du coup, il est facile à désobéir à Allah, ou à se faire manipuler par ces langues de vipères parmi les prédicateurs en lui disant « Ouais, mais c'est pas grave, tu l'enlèves quand tu rentres au travail, quand tu ressors, tu le mets, quand tu vas à l'école. » C'est-à-dire qu'on n'a même plus envie de faire d'efforts pour améliorer notre dîn. L'alcool, ainsi de suite. « Ouais, khair, de toute façon, toi, tu goûtes pas. De toute façon, khair, toi, tu travailles, tu touches pas à l'alcool, enfin, tu manges pas, et ainsi de suite. » Non plus... Enfin, franchement, je le dis vraiment, ça fait mal au cœur. C'est un fait. Tant qu'on n'aura pas dit ces vérités-là, on n'avancera pas. Et la religion d'Allah, il faut dire ce qui est, c'est interdit. Je vais peut-être cru, mais il faut dire la réalité, on s'en balance. On s'en tape. On ne fait pas les causes. D'ailleurs, dès qu'on a le moindre, ou la possibilité, dès qu'il y a un truc qui nous truc, on va chercher une fatwa ou la parole d'un truc et ah c'est bon, ah t'as vu, il m'a dit qu'on peut en fait, et dans certains cas, et parce qu'en fait, tant que cette intention n'est pas là, et ainsi de suite, alhamdulillah, moi je pensais que non, c'est pas ça, c'est que notre cœur il est pas prêt en fait. Enfin, notre cœur est trop fragile. Donc avant de parler des interdits, des obligations, on va parler de qui est Allah. Parce qu'on ne connaît pas celui qu'on adore. Et du fait qu'on ne connaît pas celui qu'on adore, eh ben on ne le respecte pas, on ne le craint pas, on ne s'arrête pas. Dès qu'on va entendre la voix de la parole d'un même tordu dans son esprit, ou parce qu'il cherche un bien mondain, ou parce que voilà, lui-même il est égaré, mais il le sait pas, et ainsi de suite, eh ben on va l'écouter, on va les suivre. Et du coup, bah voilà, tout ce qui est, on va dire, objectif, qui doit nous pousser, on va dire, à pratiquer notre dîme, eh ben on ne le fait plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne connaît pas Allah. Donc le but, c'est et de rester dans les fondements. Donc je suis en train de préparer d'autres sujets plus tard, inshallah, comme un livre qui s'appelle Asma wa Sifat, les noms et les attributs d'Allah, qui a été écrit par l'imam Al-Bayhaqi. C'est un muhaddith. Pareil, il est à l'époque de l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, et ainsi de suite. Voilà. Trouver, on va dire, des titres et des thèmes qui correspondent à nos lacunes, notre ignorance, et qui vont nous permettre, on va dire, de continuer à cheminer, d'évoluer comme ça. Inch'Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Donc oui, on a fini le livre des trois fondements. Je vais réfléchir sur quel livre on va reprendre. Je pense que ça va être les annulatifs de l'islam ou Kashf al-Shubuhat, les dévoilements des ambiguïtés, qui restent bien sûr dans le domaine de la croyance. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum. جزاكم الله خير. Allah يحفظكم. Après les questions, il y a des fois on peut y répondre brièvement, mais pas développer. Pourquoi? Parce que le but, encore une fois, c'est que vous ayez des fondements. Tous ces sujets-là, moi aussi, j'ai eu mes développements après avoir étudié. Donc une fois que vous allez avoir vous aussi ces fondements dans vos esprits et dans votre tête, vous allez avoir chacun une approche en fonction des éléments et en fonction de trucs, et vous allez pouvoir approcher de votre propre réflexion et en fonction des fondements qu'Allah vous a mis dans votre esprit. D'accord? Et ne pas faire du copier-coller de sur n'importe qui. Donc c'est ça le but. Donc on verra sur quel thème, sur quel sujet on va reprendre. En tous les cas, le livre de la jurisprudence, Inch'Allah, il est déjà prêt. J'ai déjà commencé à énumérer. On fait comme barakallah à tout le monde. Donc demain on va faire le cours de fiqh. Celui qui veut être présent, bismillah. Celui qui veut pas, inchallah, ça sera enregistré. Et les autres livres de croyance, de toutes les façons, comme je l'ai dit, hein, pour l'instant, je vais pas en profondeur. Après, on ira en profondeur. Et après, si vraiment c'est nécessaire, on pourra essayer de faire une autre, comme on le fait, hein, comme ils le font certains savants, l'iqa al-maftouh, on appelle ça. C'est des assises ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement de thème abordé, c'est des questions par rapport à des actualités ou des choses qui nous concernent, et ainsi de suite. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Comme ça, on pourra balader un peu partout. En fait, on parlera d'aqida, on parlera d'actualité, on parlera d'événements, on parlera de l'omique, des pièces d'identité, enfin de la sorcellerie d'État, la sorcellerie qui est faite à travers le pouvoir, qui est faite à travers les cartes d'identité, à travers les cartes bancaires, bref. Annie, on va essayer de passer dans pas mal de sujets, bien sûr. Attention, je vais pas vous donner juste ces éléments-là. Derrière, j'essaierai de vous donner des liens de sources pour que vous pourriez, subhanallah, j'arrive plus à parler, pour que vous puissiez avoir des sources et des bases. Après, pourquoi pas des titres de livres pour ceux qui aiment lire dans tous les domaines, que ça soit médical, que ça soit complot mondial, que ça soit au niveau des sciences, que ça soit au niveau de l'alimentation, que ça soit au niveau de la médecine, les médicaments, les vaccins, et ainsi de suite. Bref, inch'Allah, on essaiera de trouver un autre moment pour faire des rencontres ou des assises ouvertes, inch'Allah. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. Donc je finis sur ça, qu'Allah nous facilite, qu'Allah soutienne cette cause, qu'Allah soutienne les musulmans et les faibles, les opprimés à travers le monde. Et surtout, on a aussi oublié nos musulmans et même les pauvres qui sont pas musulmans, mondial du consumarisme, qui puissent, et ainsi de suite, et qui nous laissent crever de faim, s'entretuer à travers, et des maladies, bref. Qu'Allah nous assiste. Et qu'il nous raffermisse dans cette voie et qu'il élève l'islam. mondial. Amin, amin, amin. Barakallahu fikoum. Jazakoum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, inshallah.